l'arrange. Elle veut toujours plus quand t'es heureux, donc j'ai réfléchi deux secondes, je me suis arrêté. Parce que les problèmes, c'est qu'on te voit bien. Je pourrais voir clair si je m'enfonce des. Mais je serais pas sûr de sortir mes deux albums. Si je suis pas pour moi, je le ferai pour eux. Je pense tout droit vers la sortie du labyrinthe. Je danse avec la mort, ne viens pas me serrer la main. Je suis l'auteur des événements. Si je pars, j'ai mes amis. Je me lèverai jamais pour m'y. J'espère que mon fils sera une vie. Son avenir sera prometteur. Je connais mieux la nuit que mes lendemains. Je pense que c'est vite comme Sangoran. Je comprends la vie comme moi des morts. On t'a poussé dans le vide pour 100 dollars. Je connais mieux la nuit que mes lendemains. Je pense que c'est vite comme Sangoran. Je comprends la vie comme moi des morts. On t'a poussé dans le vide pour 100 dollars. Je comprends plus ce qui se passe. Je t'en sers avec l'espoir. J'ai besoin de plus d'espace. Si je m'en vais, laisse-moi. Je comprends plus ce qui se passe. Avec l'espoir, j'ai besoin de plus d'espace. Si je m'en vais, laisse-moi. Enfermé entre quatre murs, l'impression d'avoir fait un cri. Mais si je saurais à quoi de mieux, donc je reste là jusqu'à faire un hit. J'ai une copine et je veux pas qu'elle me quitte. En mon amour, je peux devenir quelqu'un. J'ai mon père qui s'inquiète. Dans ma mémoire, y'a des courts-circuits. Qui part sur le disque, non. Je l'ai rendu faire comme les 19 ans. Je suis moi aujourd'hui, j'ai même plus de scooter. Il dit que c'est pas trop tard, que mon avenir sera prometteur. Je connais mieux la nuit que mes lendemains. Je cours super vite comme Sangoran. Je prends la vie comme roi des mains. On t'a poussé dans le vide pour 100 dollars. Je connais mieux la nuit que mes lendemains. Je cours super vite comme Sangoran. Je prends la vie comme roi des mains. On t'a poussé dans le vide pour 100 dollars. Je comprends plus ce qui se passe. Je danse avec l'espoir. J'ai besoin de plus d'espace. Si je m'en vais, laisse-moi. Je comprends. Je cours super vite comme Sangoran. Je comprends la vie comme roi des morts.